je suis plus forte que toi, et tu nous m'as remis toujours. Il y a l'espérance, qui est la plus forte.